Ayo, original Wasta baby, yes I. Big up à Made Unity, big up à l'homme qu'on appelle Soulja Beez. Hey, Soulja Beez, écoute ça. Accroche-toi à tes rêves, c'est une chance de réaliser. Que dans la vie, il faut de la pêche pour continuer d'avancer. Il ne faut pas se prendre la tête, se la faire reculer. Attention à ne pas tomber sur la tête, la peut faire mal, tu sais. Il faut toujours s'accrocher, c'est pour ça donne du sens à ta vie. Il n'y a qu'une seule solution pour avoir de la réussite. Faut rester authentique, faire le bien, c'est comme ça je le vis. Laisse-toi guider, laisse-toi aller et tu verras toute la magie. Faire du bien te fera tracer le chemin. Faire le mal fera du mal à tout ton entourage. Faire le bon, trop d'assurance, ce n'est pas bon. Soulja Beez, big up pour ses projets Made Unity. Yes, merci de me faire participer, Soulja. One love, one blood, one destiny. Big up!